Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 12e chronique des ondes positives. Une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de parler de nos erreurs. Fadjet, les ondes positives. Sauf erreur, je ne me trompe jamais, s'amuse à nous dire l'auteur français Alexandre Vialat. Et vous, vous arrive-t-il de vous tromper, de faire ce qu'on appelle communément une erreur, une bourde, un faux pas, une bêtise, un impair, une boulette? À moins de faire preuve de mauvaise foi taquine, comme notre ami Alexandre Vialat, il est fort probable que nous répondions tous par un grand oui à cette question. Pourquoi? Parce que se tromper, se planter est propre à la condition humaine. Nous connaissons tous cette fameuse expression issue de la locution latine « errare humanum est, perseverare diabolicum », l'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur est diabolique. On comprend bien là que se tromper peut arriver à tout le monde, nous ne sommes pas parfaits, aussi l'erreur est pardonnable. En revanche, la réitérer ou l'amplifier tient de l'ordre du diabolique. D'ailleurs, observons l'un des textes fondateurs de la Bible et revenons à la source du langage avec la spécialiste de l'hébreu, Annick de Souzanel. À l'origine du monde, dans la Genèse, la Bible nous rapporte que c'est Ève qui a péché en acceptant du serpent un fruit qu'elle n'aurait pas dû manger. Ce qui valut à Adam, à Ève et à tout le reste de l'humanité de vivre sur terre et surtout de devenir mortel. Or, le mot « péché » dans son sens premier ne signifie pas comme on pourrait le penser aujourd'hui « fauter », faire quelque chose de mal. En réalité, il se traduit par « manquer sa cible », ce qui change considérablement l'intention de celui qui commet un péché, non pas dans une envie vicieuse de faire du mal, mais au contraire avec la volonté de bien faire. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un éminent philosophe français du XIXe siècle. Cette voix, c'est celle d'Alain. Les ondes positives sur Fadjet. Quiconque pense commence toujours par se tromper. L'esprit juste se trompe d'abord tout autant qu'un autre. Son travail propre est de revenir, de ne point s'obstiner, de corriger selon l'objet la première esquisse. Toutes nos erreurs sont des jugements téméraires et toutes nos vérités, sans exception, sont des erreurs redressées. Descartes disait bien que c'est notre amour de la vérité qui nous trompe, principalement, par cette précipitation, par cet élan, par ce mépris des détails qui est la grandeur même. Cette vue est elle-même généreuse, elle va à pardonner l'erreur, et il est vrai qu'à considérer les choses humainement, toute erreur est belle. Selon mon opinion, un sot n'est point tant un homme qui se trompe qu'un homme qui répète des vérités, sans s'être trompé d'abord, comme ont été faits ceux qui l'ont trouvé. Car finalement, écoutez bien la sonorité du mot « erreur » du latin « errare », qui voulait dire « aller à l'aventure »,« errer ça et là », et par extension, « faire fausse route ». Mais n'est-ce pas les voyages qui forgent la jeunesse? D'ailleurs, n'utilise-t-on pas l'expression familière « se planter » pour dire « se tromper » comme le fait une plante ou un arbre, pour grandir et asseoir sa stabilité dans le sol. En effet, les études en neurosciences ont montré que le cerveau humain passe son temps à chercher à prédire des régularités du monde qui l'entoure et à comparer ses prédictions avec les observations issues de son environnement. La prédiction, c'est une activité essentielle et irrépressible du cerveau humain dès le plus jeune âge. Notre cerveau apprend de ses erreurs de prédiction. Il va les détecter soit par lui-même, soit par un retour d'information de l'environnement. C'est ainsi que les connaissances sont mises à jour. L'apprentissage repose donc sur des écarts aux attentes. Un cerveau qui ne commet aucune erreur de prédiction n'apprend pas. Ainsi, l'erreur a toute sa place dans les processus d'apprentissage. Ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'aux États-Unis, Un entrepreneur qui a échoué sera mieux perçu par de potentiels investisseurs qu'un autre, car celui-ci a eu l'occasion d'apprendre de ses erreurs passées. Comme le disait John Powell, la seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun enseignement. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres, avant nous, se sont interrogés sur la manière de se tromper. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose, direction l'Inde, où six sages aveugles sont en plein débat sur la description de ce qu'est un éléphant. Assis tous autour d'une grande table, les sages tous aveugles ne peuvent témoigner de ce à quoi ressemble un éléphant. Alors, ils décident de se mettre en quête d'aller en rencontrer un. Une fois l'animal trouvé, chaque sage s'affaire à en toucher une partie. Perdant pied, le premier alla buter contre son robuste et large flanc. Il s'exclama aussitôt « L'éléphant est un mur immense, tiède et un peu rugueux. » Tout en palpant une de ses défenses, le second s'écria « Je sens quelque chose de rond, de lisse, qui est long et pointu. » Il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance. Le troisième s'avança vers l'éléphant et, saisissant par hasard la trompe qui se tortillait, cria sans hésitation « Oh, je vois que l'éléphant est certainement une sorte de gros serpent !» Le quatrième, de sa main hésitante, se mit à palper le genou et la jambe. De toute évidence, cet animal fabuleux ressemble à un arbre. J'en touche ici le tronc. Le cinquième, qui se tenait bien droit, les bras tendus et en l'air, lui toucha l'oreille et dit « Même le plus aveugle des hommes peut dire à quoi ressemble un éléphant. Nul ne pourra me prouver le contraire. Ce magnifique éléphant est un grand éventail. » « Oh non !» dit le sixième, qui commençait tout juste à vouloir tâter l'animal. La queue qui se balançait calmement lui tomba dans la main. « Je vois que l'éléphant n'est finalement rien d'autre qu'une corde. » Les sages alors commencent à se quereller jusqu'à ce qu'un inconnu passe par là et leur demande la raison de leur dispute. Ils répondent alors « Nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce qu'est un éléphant. » Et chacun d'eux explique alors ce qu'il pense, ce qu'est l'animal. L'homme alors répond calmement « Vous avez tous raison. » La vision de chacun est différente des autres parce que chacun d'entre vous a touché une partie différente de l'animal. Ainsi, l'éléphant a tous les traits que vous avez dit. Vous détenez tous une partie de la vérité, mais chacun séparément, vous vous trompez. N'est-ce pas un proverbe latin qui dit « l'erreur commune est la loi » ? Attention donc à ne pas se complaire dans des croyances communes qui ne seraient pas des vérités absolues. Laissons le mot de la fin à Gandhi. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. Fadjet, les ondes positives. Allez, petit exercice. Prenez quelques instants pour vous poser. Tranquillement, installez-vous dans une position confortable, comme si vous alliez vous installer devant votre télévision ou votre écran de cinéma et lancer le film. Faites apparaître sur l'écran une première scène de votre vie que vous considérez comme une erreur. Ensuite, vous êtes obligé de trouver l'une de ces retombées positives dans votre vie, que le lien soit direct ou indirect, et faites jouer cette scène positive sous vos yeux. Réitérez l'exercice pour chacun de ces moments que vous considérez être une erreur. Et voyez fleurir ce qu'il y a de plus beau dans ce que vous avez planté en vous plantant vous-même. Voilà, maintenant que nous avons appris ce qu'était l'erreur, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela nous faut-il apprendre à se libérer de certaines croyances limitantes. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives. <t'en>